mes 65 ans, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'aille plus doucement. Sur mon vélo, avec des freins de partout, comme il y en a tant dans la vie de tous les jours. Regarde pas, tu sais, je suis pas un vieux cool, je fais des conneries comme ça, on fait gaffe à moi. Je suis borné et têtu, je me marre tout seul en me regardant. J'ai passé le cap et j'ai pas d'épée de Damoclès à me mettre au-dessus de la tête. J'ai passé le cap et j'ai pas digéré le fait que l'on n'accepte plus de me voir me révolter. De flammes en radioactive, je rêvais que je jouais dans un film où j'étais le héros, beau, fort et lucide, cramponné à un mannequin aux dents longues et carriées. Je me suis déshabillé, je me suis déshabillé, déshabillé.